J'te capote le Fiat RR600. La mise fait de l'effet. J'suis pété, champagne à les bulles qui montent. Ton père est gnon, j'me sens mignon. Avec toi, qu'est-ce que j'me sens bien. Côte d'Azur, elle a les yeux azur. Aston Martin, oh oui. Oh oui, que j'fais la fiesta. Que j'fais la fiesta. Monte Carlo, tu prends la suite la plus haute.